Bonjour, ma chère sœur. Faites, je vous supplie, que je parle à monsieur. Il est en compagnie, et je doute qu'il puisse à présent voir quelqu'un. Je ne suis pas pour être en ces lieux importuns. Mon abord n'aura rien, je crois, qui lui déplaise. Et je viens pour un fait dont il sera bien aise. Votre nom? Dites-lui seulement que je viens de la part de monsieur Tartuffe, pour son bien. C'est un homme qui vient avec douce manière de la part de monsieur Tartuffe, pour affaire dont vous serez, dit-il, bien aise. Il vous faut voir ce que c'est que cet homme et ce qu'il peut vouloir. Pour nous raccommoder, il vient ici, peut-être. Quels sentiments aurais-je à lui faire paraître? Votre ressentiment ne doit point éclater, et s'il parle d'accord, il le faut écouter. Salut, monsieur! Le ciel perde qui vous veut nuire, et vous soit favorable autant que je désire. Ce doux début s'accorde avec mon jugement, et présage déjà quelque accommodement. Toute votre maison m'a toujours été chère, et j'étais serviteur de monsieur votre père. Monsieur, j'ai grande honte et demande pardon d'être sans vous connaître ou savoir votre nom. Je m'appelle Loyal, natif de Normandie, et suis huissier à Verges en dépit de l'envie. J'ai depuis 40 ans, grâce au ciel, le bonheur d'en exercer la charge avec beaucoup d'honneur, et je vous viens, monsieur, avec votre licence, signifier l'exploit de certaines ordonnances. Quoi? Vous êtes ici? Monsieur! Sans passion! Ce n'est rien seulement qu'une sommation, un ordre de vider d'ici vous et les vôtres, mettre vos meubles hors et faire place à d'autres, sans délai ni remise, ainsi que besoin est. Moi? Sortir d'océan? Oui, monsieur. S'il vous plaît. La maison, à présent, comme me savez de reste, au bon monsieur Tartuffe, appartient sans conteste. De vos biens, désormais, il est maître et seigneur. En vertu d'un contrat duquel je suis porteur, il est en bonne forme et l'on n'y peut rien dire. Certes, cette impudence est grande et je l'admire. Monsieur! Je ne dois point avoir affaire à vous. C'est à monsieur. Il est raisonnable et doux. Et d'un homme de bien, il sait trop bien l'office pour se vouloir du tout opposer à justice. Mais... Oui, monsieur. Je sais que pour 1 000 000, vous ne voudriez pas faire rébellion et que vous souffrirez en honnête personne que j'exécute ici les ordres qu'on me donne. Vous pourriez bien ici, sur votre noir jupon, monsieur l'huissier à Verges, attirer le bâton. Faites que votre fils se taise ou se retire, monsieur. J'aurai regret d'être obligé d'écrire et de vous voir coucher dans mon procès verbal. Ce monsieur Loyal porte un air bien déloyal. Pour tous les gens de bien, j'ai de grandes tendresses. Et ne me suis voulu, monsieur, charger des pièces que pour vous obliger et vous faire plaisir, que pour ôter par là le moyen d'en choisir, qui n'ayant pas pour vous le zèle qui me pousse, aurait pu procéder d'une façon moins douce. Et que peut-on de pique d'ordonner aux gens de sortir de chez eux? On vous donne du temps, et jusque à demain, je ferai sur séance à l'exécution, monsieur, de l'ordonnance. Je viendrai seulement passer ici la nuit, avec 10 de mes gens, sans scandale et sans bruit, pour la forme. Il faudra, s'il vous plaît, qu'on m'apporte, avant que se coucher, les clés de votre porte. J'aurai soin de ne pas troubler votre repos et de ne rien souffrir qui ne soit à propos. Mais demain, du matin, il vous faut être habile à vider de séance jusqu'au moindre ustensile. Mes gens vous aideront, et je les ai pris fort, pour vous faire service à tout maître d'or. On n'en peut pas user mieux que je fais, je pense. Et comme je vous traite avec grande indulgence, je vous conjure aussi, monsieur, d'en user bien, et qu'au dû de ma charge, On ne me trouble en rien. Du meilleur de mon cœur, je donnerais sur l'heure les 100 plus beaux louis de ce qui me demeure et pouvoir à plaisir sur ce mufle asséner le plus grand coup de poing qui se puisse donner. Laissez, ne gâtons rien. À cette audace étrange, j'ai peine à me tenir et la main me démange. Avec un si bon dos, ma foi, monsieur Loyal, quelques coups de bâton ne vous sieraient pas mal. On pourrait bien punir ces paroles infâmes, mamie. Et l'on décrète aussi contre les femmes. Finissons tout cela, monsieur, c'en est assez. Donnez tôt ce papier de grâce et nous laissez. Jusqu'au revoir. Le ciel vous tienne tous en joie. Puisse-t-il te confondre, celui qui t'envoie ?